330e chapitre. Une attente angoissante. Fabien, qui savait par oui dire que l'ours blessé revient toujours sur celui qui a tiré sur lui, attendait avec une certaine inquiétude le retour de la bête. « Allons-nous-en !» dit Francis. « Non !» répondit le Parisien. « Qu'attendons-nous ? Que l'ours revienne ! Tu veux rire ? Non, je parle très sérieusement. Je ne comprends pas. Eh bien, écoute, notre ennemi que j'ai blessé à l'épaule va certainement revenir. Or, si nous nous mettons en route, nous risquons de le rencontrer à l'improviste derrière quelques rochers. Il est donc préférable que nous l'attendions. Je parie qu'avant 5 minutes il sera ici. Cette fois, je vais tâcher de ne pas le rater. Si nous avons le bonheur de le voir se dresser, je lui logerai une balle dans le cœur et tout sera dit. » Et Fabien s'accroupit sur le sol, son arme à l'épaule, prêt à faire feu sur la bête. Cependant, à la grande surprise du Parisien, l'ours ne revenait pas. « Peut-être l'ai-je blessé plus dangereusement que je ne le supposais, » dit Fabien. « Il est peut-être en train de mourir dans quelque coin, mais attendons encore. »« À quoi bon ?» fit Francis. « Ah ! » s'écria le Parisien, « on voit bien que tu ne connais pas ces horribles animaux. » Un de mes camarades, qui a chassé l'ours en Europe, me disait un jour qu'une bête blessée était revenue l'attaquer une demi-heure après. Il paraît que l'ours y voit mal, mais il a un odorat merveilleux. Dès qu'il est atteint par un projectile, il s'enfuit comme un fou. Puis, quand il est à une certaine distance, il s'arrête et cherche le vent. Alors, il ne tarde pas à sentir l'homme et il rapplique dardard sur le chasseur. Le Parisien était tout étonné de ne pas voir revenir son ours. S'il avait pu se douter de ce qui se passait, au lieu de demeurer sur place, il eût aussitôt regagné l'aéroplane. On se rappelle que M. Voirin et Grondard, inquiets sur le sort de leurs amis, s'étaient lancés à leur recherche. Or, après avoir longtemps cherché, guidés par les coups de feu que tirait Fabien, ils étaient persuadés qu'ils allaient bientôt retrouver leurs amis quand une détonation plus rapprochée leur avait donné plus d'espoir encore. « Ils sont là !» dit M. Voirin. Mais presque au même instant, un ours noir apparaissait. Les deux aviateurs prirent la fuite, poursuivis par l'horrible bête. Si vite qu'ils courussent, ils ne pouvaient espérer lui échapper. L'animal était déjà sur eux. M. Voirin visa l'ours, mais déjà celui-ci avait étreint Grondard. Le mécanicien, qui était, on le sait, d'une force herculéenne, s'était replié sur lui-même, et les deux mains posées sous la gorge de la bête s'efforçaient de l'éloigner de lui. L'ours, atteint d'une balle à la tempe, tomba enfin foudroyé. « Ouf !» s'écria le contremaître qui suait à grosses gouttes. « Il était temps. Je commençais à perdre la respiration. Oh, l'affreuse bête !»« Vous êtes blessé ?»« Non, je ne crois pas. »« Si, vous avez du sang sur la figure. »« Oh, ce n'est rien. Un coup de griffe, probablement. » Et Grondard s'essuya le visage avec le revers de sa manche. Il ne portait qu'une légère éraflure au visage, mais il avait, comme il disait, les membres moulus. Les efforts surhumains qu'il avait faits pour se dégager de l'étreinte de la bête l'avaient épuisé. Pendant qu'il soufflait en s'épongeant le front, M. Voirin était monté sur un roc et appelait. « Fabien ! Francis !» Une voix, celle du Parisien, répondit aussitôt. « Voilà, voilà, patron !» Quelques secondes après, les deux jeunes gens faisaient leur apparition. « Ah, par exemple !» s'écria l'ingénieur. « Vous pouvez dire que vous m'en avez fait une peur. Je croyais que cet ours vous avait dévoré. » Et M. Voirin montrait du doigt l'énorme bête étendue sur le sol. « Tiens !» dit Fabien. « Ce maudit animal est venu mourir ici. Je savais bien que je l'avais blessé à mort. »« Pardon !» fit l'ingénieur en souriant. « C'est moi qui l'ai tué. »« Alors, tous mes compliments, patron. C'est un joli coup de fusil, et, à défaut d'oiseau, nous allons nous régaler d'un quartier d'ours. »